le rideau. Voilà mes premiers poivrots. Ils ont tous une excuse et pour chacun je connais le scénario. Ouais, c'est mon rad, poto. Tu trouveras de la chaleur même si les filles sont froides et que ça se mêle tous les trois quarts d'heure. À peine je pousse la porte, constate la décadence du barman. Y'a plus de différence entre poto et client, ça parle mal. Les degrés sont bien plus élevés que dans un foutu western. Bien à coup d'épaule des cuvées, j'observe la taille de leur serre. Sex en glaçon, comme à mon habitude. Barman, rabis le petit, va prendre froid pour l'habitude. Le gars à droite fait le moonwalk. Déjà bien fucked up, je vais réveiller tout le bloc ou bien finir comme une loque. Je suis dans la salle du bar, dans un coin la fumée s'épaissit, accoudé au comptoir. Je parle avec un serveur dépressif, whisky on the rock. Et on refait le monde avec des si. Fuck le NSI, j'irai faire pleurer ce qu'on appelle vessie. Dans la salle du bar, presse le pas, il me dirige vers les toilettes du bas. Une envie de cèpe, bon je te parle pas. Tout le monde me regarde, j'ai bédave, je suis parano. Mais c'est pas grave, y'a pas de l'air gars, tant qu'y'a pas de l'aide gars. Défoncé, je confonds le problème, l'énoncé. Je te déconseille de parler sérieux, j'ai essayé, j'ai renoncé. J'enchaîne les verres, on ne compte plus, l'éclair de génie peut s'éteindre. Au cul, sur les gros culs, ça va me coûter une plainte. Y'a des loupards en blouson noir, des transacts sous le comptoir. T'atterris dans un monde rare et ça peut mal se passer si t'as pas dit bonsoir. Ton chagrin noileux, y a pas d'alcool joyeux. En vrai rien de fameux, on reproduit trop souvent le schéma de nos aïeux. Dans la salle du rebat, rien que ça cause du gars qui est mort la semaine dernière mais pas d'une overdose. Tout est mis père comme si c'était la cause. Avec deux trois loupards névrosés, accoudé au comptoir tout le monde est bien arrosé. J'ai plus assez pour manger mais toujours assez pour boire. Un petit sec, un petit café noir dans la salle du bar. Classique, tu connais le scénar. Envie de me poser journée flemmard. J'arrive, il fait jour, je ressors, il fait. On est la honte de nos parents, pour les barman on est rentable. L'alcool c'est une carotte, néglige ton mec, on le remplace. Entre le jack et le verre d'eau, le choix c'est Koh-Lanta. Imperméable, y'a des cerveaux dans lesquels on ne rentre pas. J'suis déjà high, j'm'en vais rejoindre mes putains de loupards. Dans ce rad, y'a personne de clean. Compte pas sur les piliers de comptoir pour la cristalline. Faut qu'on se pète la tête, j'veux m'éclater, Gérard, paye ta tête. Histoire d'envenimer les choses, se propose une tournée de shot. Ça continue à pillave, les portes sont closes et ça squatte les shots. Plus d'urine autour que de temps, vu l'état, ça fiche mal. Faut se garder, ça gonfle l'ardoise et nique le RSA dans le collal. Ça sert à rien d'être pressé, y'a la queue devant les WC. T'attendras un peu avant de prendre ta CC. Bellec, y'a des flics en civil. Si tu prends la confiance, la salle du bar donne sur la salle d'audience. Y'a des loupards en blouson noir, des transacts sous le comptoir. T'atterris dans un monde rare et ça peut mal se passer si t'as pas dit bonsoir. Ton chagrin noileux, y'a pas d'alcool joyeux. En vrai rien de fameux, on reproduit trop souvent le schéma de nos aïeux. À la fin ça se tape, vaut mieux que tu t'écartes. Le trompage ou la tournée au carpe, fait tourner le zotla. Les truands trempent dans toutes les guimas. Les stores sont baissés mais on est là, ça sent la carna. Plus trop de clicots dans le repas. Je suis attiré par la tireuse dans la salle du bar, j'atterris. Et je leur mets une demi-pression avant de finir à la dérive. Allez patron c'est ma tournée, y'a chariot avec ses loupards. Un petit dernier que je vais savourer, après je vais te laisser le pourboire. Il reste deux trois crasseuses qui se terminent à la chartreuse. 5-6 pochetrons dans le fond qui foutent le boxon. Tout le monde est torché, ça mélange les serviettes et les torchons. Ça mord du citron et ça se morfond. Y'a des filles, y'a de la fume, au comptoir y'a la file. Un gars veut te la jouer fine, coup de bouteille comme dans les films. Y'a du sang, ça s'excite, plus aucune n'est sexy. Parasite arme qui s'exhibe, ça ressemble plus à la cible. Il faut boire pour le croire, il est 2h15. Ça va se finir en octant, à s'embrouiller pour un regard. J'ai ma lame dans le front et ma paire de couilles. Ils sont six, je suis seul tout, je vais faire une pierre de coups. Et ce genre d'anecdote comme ça, je pourrais encore t'en raconter. J'en ai ma claque de ces Yankees qui se noient dans la foncée. En plus de ça, les loyers ont grave monté. La clé est sous la porte, j'ouvre un salon de thé. Qu'est-ce que tu vois? Le blanc, le rouge, le rosé. Je bois tout. Pourquoi je vais te boire de l'eau à cette heure-là? Je suis polyglotte. Oh, et puis merde, ennemi. Le RSA, c'est bien, mais c'est vite bu. Boire qu'un verre, ça sert à rien. T'abîmes la santé pour rien.